appelé, mais c'est l'argot du coin. Elle a beaucoup changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Non, mais ça marche très bien pour lui, hein. Regardez. Là, on va écouter. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, les amis? Écoutez, les amis. J'ai trouvé l'amour parfait. Un homme a changé ma vie, Jésus-Christ. Il est venu transformer ma nuit en journée. Oh. Ça marche très bien. Ouais, ouais. Ça marche très bien. Ouais, super. Ça marche très bien. Eh, hey, ça marche très bien. Oh, mouf. On va raconter ça ailleurs, dis. Allez. J'ai trouvé l'amour parfait. M'a changé ma vie, Jésus-Christ. Il est venu transformer ma nuit en journée. Oh. Ça marche très bien. Ouais, ouais. Ça marche très bien. Ouais. Ça marche très bien. Oh oui. Ça marche très bien. Eh ben, écoutez, c'est Jésus-là. Il est même pas beau, hein. Moi, je ne connais pas. Le soleil resplendissant, comparable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie. Transformer mes pleurs en mélopée. Ça marche très bien. Yeah, ouais, ça marche très bien. Ouais, ouais, ça marche très bien. Écoutez, famille, lui aussi dit qu'il a trouvé Jésus. Voilà. Le soleil se lève à l'extrémité des cieux. Il achève sa course à notre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. C'est comparable à l'amour de Jésus. Moi j'ai pensé cette marque que c'était la bière qui a nivelé, mais c'était pas bon. Mais